Pourtant, tu sais quoi leur répondre, mais ils ont un intérêt à savoir qu'est-ce que toi fais là face à cette situation-là, que toi tu comprends très bien, qu'eux autres peuvent pas encore toucher et pénétrer. Mais ils sentent que toi, tu comprends qu'est-ce qui se passe. Il y a seulement une façon de parler au monde, c'est mentalement. Aussitôt que votre émotion rentre dedans, vous venez de colorer ce que vous avez. Mais il n'y a plus d'émotion là, c'est froid. Est-ce que tu le dis ou tu le retiens? C'est mental, il y a automatiquement du discernement. Si vous parlez mentalement, il y a du discernement. Puis s'il y a du discernement puis que vous devez le dire, vous allez le dire. Puis si il y a du discernement puis vous devez pas le dire, ça va être retenu. Parce que c'est plus vous autres qui contrôlez le langage à ce moment-là. Mais si c'est vous autres qui aurez contrôlé le langage, si vous sentez pas la force qui vous fait parler ou la force qui retient votre langage, puis le langage sort, automatiquement, il va y avoir une émotion dedans. Puis c'est à ce moment-là que vous défaites ce que vous faites. Mais si toi, t'as pas envie de le dire, puis ça sort malgré toi, parce que ça veut dire que c'est correct. Non. Quand t'as pas envie de le dire, puis ça sort malgré toi, c'est parce que t'étais pas supposé le dire, puis tu le dis parce que t'avais de l'émotion. Quand t'as pas envie de le dire, t'as pas envie de le dire, puis c'est final. Puis ça sort malgré toi, parce que t'avais pas le contrôle de sa vibration. Qu'une fois que les corps s'ajustent, tu dis ce que t'as à dire, tu peux pas dire un iota de plus ou de moins. Ça s'arrête. Les corps sont ajustés vibratoirement. Tu fais pas, c'est impossible. Moi, quand je suis avec Glenn devant le public, puis il me demande une question, puis ils veulent pas répondre, je vais dire sans dessin, c'est final, Charlie, ça sort pas. Y a pas de moi qui veut dire ou qui veut pas dire. Parce que toutes les questions sont intéressantes. Et ils ont une raison de pas le dire. Ils veulent créer une vibration quelconque qui est pas nécessairement dans votre mental, mais qui peut être dans le mental à la personne qui demande la question. Ben là. On doit y être pour rien dans la diffusion de l'énergie. C'est l'énergie qui contrôle la chaîne. On fait un avec. À ce moment-là, il y a plus d'erreur possible. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais. C'est toujours en harmonie vibratoire avec le développement vibratoire de la personne. Sans ça, tu peux démolir une personne. Tu peux créer des anxiétés à une personne. Quand tu changes l'esprit d'un homme, faut que tu puisses te supporter, cet homme-là. Durant les périodes où son esprit sera passé par, faut que tu le supportes. Tu peux pas y lancer des boulets de canon pis prendre ton chapeau dans l'allée. Le discernement, c'est ça le discernement. Le discernement, c'est dans le mental, y a pas d'émotion là-dedans. Fait que si ça sort, pis c'est pas sous votre contrôle, c'est parce qu'il y a de l'émotion, le discernement est pas parfait, vous devez attendre. Jusqu'au moment où vous allez ça. Alors, dès que t'as raison, parle pour toi, tu te fermes, tout simplement. Ah oui. Dès que t'as raison, parle pour vous autres, c'est le plus grand danger que vous pouvez vous imposer aux autres. Parce qu'il dit qu'on a vraiment raison. Avoir raison, c'est une attitude de l'ego, ça. L'ego qui sent, l'ego qui sait, l'ego qui perçoit. Mais faut aller plus loin que ça. Faut aller au niveau vibratoire où ça passe parce que ça doit passer ou ça passe pas parce que ça doit pas passer. Hein? Tu parles d'une manière télépathique pour réussir à savoir. Pardon? Une manière télépathique. Il dit tout à l'heure, je ne vais pas dire quelque chose. Il ne peut pas dire, etc. Si quelqu'un est en train de voir qu'il y a une vibration télépathique avec toi, il peut savoir. La télépathie, ça va de mal. Ça va pas de mal. C'est triangulaire, la télépathie. C'est pas horizontal. C'est pour ça qu'il y a des vibrations dans les deux cerveaux. C'est que souvent, il n'est pas important. Il n'est pas nécessaire de parler. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Comprendre. C'est évident qu'il y a de l'énergie entre deux cerveaux. Mais qui c'est qui contrôle la pensée? C'est tout le temps en haut. Tout le monde pense que la télépathie, c'est le même. C'est pas le même, la télépathie. C'est comme ça. C'est instantané. Le même, ça apparaît comme ça. C'est le même, ça marche. S'ils veulent que vous communiquiez par télépathie avec une personne, ils vont communiquer. Donc, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Mais les gens savent pas que ça marche de même. Ils pensent que ça marche de même. Moi, je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Ah oui, c'est bien, ça marche. On doit apprendre à voir

la mort. Mais là, non. D'abord, ça, pour le monde, tu vois. Il doit réagir avant la mort. Réagir avant la mort? Mm-hmm. La mort de qui? La mort est la mienne? Mm-hmm. Réagir devant ma mort à moi? C'est une insulte. Mon livre. Moi, je mourrai quand je voudrais, avant le temps. Ça être libre. Parler de liberté? Hein? Hein? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Marcher en dessous de maison, une brique tombe sur la tête, je parle de liberté. Non. Mais je crève pas d'avoir rien. Quand je transmettrai mon corps, parce que j'aurais fini ma job, ça va être fait. C'est ça, je m'en ai dit. D'ailleurs. Il y a d'autres pareils. Tout seul. Mais, c'est dans la nouvelle psychologie, ça. Oui, oui. C'est pas une question de maturité. C'est une question de curiosité. Bon, pareil. Maturité psychologique, ça n'a pas quelque chose. La maturité psychologique de l'homme, c'est la fusion entre son ego et l'âme. Ça, c'est la maturité psychologique de l'homme. L'autre, c'est une forme de maturité philosophique. Ok, d'accord. Ce qui vous sauve, vous, c'est l'intuition et l'intelligence. C'est ça qui vous sauve. C'est important, les mots. Quand vous parlez, quand vous employez des mots, les mots, le mot juste, la vibration dans le mot juste. La vibration, elle forme le mot juste. Sans ça, le mot qu'on emploie est lancé dans l'espace. Pas qu'il soit lancé dans l'espace. Faut que le mot soit formé par la vibration. Là, c'est un mot juste. On est très proche de quoi? De la mort. De la mort? Tant qu'on est inconscient, on est proche de la mort. D'accord. Ouais. C'est ça. C'est pas normal, un homme de mourir. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. L'homme meurt parce qu'il est prêt. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. Quand il est prêt, c'est pas lui qui détermine ça. C'est ça? Quand tu vas te faire genre être plein, faut rentrer dans l'arbre. Je pense que quand on est arrivé à la plénitude, on va vous parler de la mort. La plénitude? Qu'est-ce que c'est ça? Je parle pas de la plénitude de l'âme, parce que je parle de la plénitude totale. La plénitude totale, c'est quoi ça? C'est quoi ça le tout? C'est quoi ça le tout? C'est la connaissance. C'est quoi ça la connaissance? L'entendement, la sagesse. La réalisation. Oh, Ramon, cette Ramon. De... Ben oui. C'est l'éclatement de votre être sur tous les plans. C'est la connaissance suprême. C'est ça. Faut dire la connaissance, c'est une illusion. C'est la perfection. Ah, t'es donc pas tante, la perfection. C'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection? La perfection, c'est l'unité. La perfection, c'est l'unité. Ah, une forme d'unité. Oui. Elle est comique, hein? Une minute est intelligente, une minute est pas intelligente, une minute est intelligente, une minute est intelligente, une minute est intelligente. Une minute est intelligente. C'est pour ça que c'est intéressant de l'entendre, parce que une minute est intelligente, une minute est pas intelligente, tu l'écoutes pas. Là, tu continues d'être intelligente. Tu te prenais toute la stuff d'intelligence, là, qui est son intelligence interne, là, vibratoire, tu mettrais tout ça ensemble, ça tient tout debout. L'autre, là, ça se détruit tout. Fait que, à force, de l'intelligence au manque d'intelligence. De l'intelligence au manque d'intelligence. Non, je sais pas que je fasse de manque à un autre, c'est que j'aime vous provoquer, Bernard. Vous aimez me provoquer. Intellectuellement, j'aime vous provoquer. Fatiguez-vous pas de même? Oh, fille. C'est bien tout drôle. Provoquer. J'aimais ça, mais provoquer. J'aime pas provoquer. Je suis pas perdue.